meurtri. Mémoire meurtrie par les souvenirs. Y'a que la famille et les amis pour me soutenir. La rage dans mon cœur, je peux plus la contenir. Car j'ai trop envie d'en partir. J'implore Dieu de leur ouvrir les portes du paradis. Sache qu'on n'est jamais seul face à une tragédie. Jamais seul jusqu'à la fin de nos vies. Même si tu crois que personne comprend, tes proches et tes potes comprennent. Pour ça qu'on traîne ensemble depuis des années. Et dire qu'on se connaît depuis des années. Dans le passé, des épreuves on en a traversé. Entre les destins non maîtrisés et les rêves brisés. Dans ma tête j'essaie de chasser les mauvaises pensées. Mais sans cesse elles reviennent à l'assaut. Grosse envie de tout faire taise, oh c'est chaud. Je veux plus que les miens meurent sur la séchaud. Comprends que si je tease, c'est pour pas m'assécher. Car des larmes j'en ai versé. Voilà comment on passe vite fait. De la petite enfance à la souffrance. De l'ignorance à l'adolescence. Pas le temps pour la convalescence. Je présente mes condoléances. Je repense à tous ceux qui ne feront plus jamais acte de présence. Ici bas on a tous ce même problème. On perd tous ce qu'on aime. Pour toi, pour moi, la douleur est la même. De là où t'es, je sais que tu me vois. De là où t'es, je sais que tu veilles sur moi. Car ici bas, on a tous ce même problème. On perd tous ce qu'on aime. Pour toi, pour moi, la douleur est la même. De là où t'es, je sais que tu me vois. De là où t'es, je sais que tu veilles sur moi. La vie, elle est pas marrante. Et la plupart des gens, tu les paumes en route. Et qu'elles soient longues ou courtes, on fait un bout de chemin avec les frères et les sœurs. On pense avec la tête et le cœur. On fait preuve d'amour et de haine. On partage des joies et des peines. L'être humain peut donner la vie et se donner la mort. Y'a pas de mots pour exprimer le mal que j'ai. Y'a pas d'antidouleur pour enlever le mal que j'ai. J'ai appris à mes dépens que la vie pouvait être injuste, méchante et violente. Je compatis quand mes gens sont touchés par la maladie. Et j'ai du mal à dire qu'un jour j'ai du mal à agir avec des gens que j'ai perdus. Aujourd'hui, je mets tout en œuvre pour que les bons moments perdurent. Dur de vivre avec des regrets. Je veux que du bien pour les miens. Les meilleurs partent les premiers. Malheureux sont ceux qui restent. On le sait qu'on n'est pas éternel. Et que même si elle est naturelle, la mort n'est pas plus belle. Ici bas, on a tous ce même problème. On perd tous ce qu'on aime. Pour toi, pour moi, la douleur est la même. De là où t'es, je sais que tu me vois. De là où t'es, je sais que tu veilles sur moi. Car ici bas, on a tous ce même problème. On perd tous ce qu'on aime. Pour toi, pour moi, la douleur est la même. De là où t'es, je sais que tu me vois. De là où t'es, je sais que tu veilles sur moi.